بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أما بعد on continue l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan qu'Allah le préserve donc durant le cours précédent on avait vu expliquer la parole de l'imam Malik ibn Anas radiallahu anhu wa rahimah où il a fait sortir cette personne innovateur ou cet innovateur de son assise qui a posé des questions sur l'établissement d'Allah Azza wa Jalla au-dessus de son trône et a demandé comment est-ce qu'Allah s'est établi et on a vu comment l'imam Malik rahimahullah ta'ala a vu que c'était une personne qui cherchait la fitna qui cherchait la discorde et a ordonné qu'il soit expulsé de son assise. Puis, l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi a fait un chapitre sur l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a fait un chapitre à part entière. فقال l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi فصلٌ في إثبات صفة الكلام. Chapitre dans l'attestation de l'attribut de la parole. قال الشيخ الفوزان لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرض صفة الكلام بفصل خاص وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. Donc Cheikh Fawzan dit, lorsque l'auteur a parlé de différents attributs d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu précédemment, il a voulu décrire ou dédier un chapitre à part entière concernant l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci pour montrer l'importance de ce sujet, et aussi car c'est un sujet dans lequel il y a eu beaucoup de divergences et beaucoup d'égarements. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء وكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. Et quant à l'attribut d'Allah عز وجل, l'attribut de la parole, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala est doté et s'est attribué à lui-même la parole. Allah Azza wa Jal parle comme il veut subhanahu wa ta'ala et quand il veut. Et sa parole fait partie des attributs qu'Allah Azza wa Jal fait. C'est-à-dire qu'il le fait quand il veut. Il a parlé dans le passé. Il parlera ou il parle dans le présent et il parlera subhanahu wa ta'ala le jour du jugement quand il veut parler subhanahu wa ta'ala, il parle. Car on a vu qu'il y a deux types d'attributs, il y a al-sifat al-dhatiyya et al-sifat al-fi'liyya. Il y a les attributs dont Allah Azza wa Jalla est doté, dont son essence est dotée, comme la science, comme la vie, etc., comme al-ilm al-haya, et il y a également des attributs qu'Allah Azza wa Jalla a, et ce sont des attributs qui sont caractérisés par des actes, comme Allah Azza wa Jalla parle, c'est-à-dire qu'il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala, et comme il veut, pareil pour le fait que sifatul maji, le fait qu'Allah Azza wa Jalla va venir le jour du jugement, c'est un attribut qui est caractérisé par un acte et un fait. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات حادث الآحاد يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة فالله ما زال يتكلم لأنه سبحانه وتعالى بكلامه قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر الصفات. Quant à l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est l'attribut de la parole, c'est un attribut qu'Allah Azzawajal a toujours eu. C'est-à-dire que c'est un attribut qui n'a pas de début. Car vous savez qu'Allah Azzawajal est le premier qui n'a pas de début. Et c'est le dernier qui n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah Azzawajal n'a pas de début, tous ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala, n'ont aussi pas de début. Donc, l'attribut de la parole d'Allah Azzawajal n'a pas de début. Mais les paroles qu'Allah Azzawajal dit, ce sont des paroles qui viennent au fur et à mesure de la volonté d'Allah Azzawajal. Lorsqu'Allah Azzawajal veut parler, il parle. Lorsqu'il ne veut pas parler, il ne parle pas. Mais il est doté de l'attribut de la parole depuis tout le temps. C'est clair ? C'est clair ou pas ? وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة والآيات والأحاديث في هذا كثيرة سيورد المصنف رحمه الله جملة منها ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. Et ceci est la croyance des gens de la Sunna. Et les preuves et les versets et les hadiths à ce sujet sont nombreux et l'auteur va les citer. Et n'ont contredit les gens de la Sunna dans l'attribut de la parole que Al-Jahmiya et ceux qui les ont suivis parmi les sectes égarées. Al-Jahmiya يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره إما في جبريل وإما في محمد وإضافة الكلام إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه إما جبريل وإما محمد هذا كلامهم وهذا أيضا مذهب المعتزلة فمذهب المعتزلة والجهمية سواء ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق. Qu'est-ce que disent Al-Jahmiya et ceux qui les ont suivis parmi les Mu'tazila? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas, mais qu'Allah a créé la parole dans d'autres créatures, soit dans Jibril ou soit dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de dire que la parole d'Allah, et lorsque l'on dit la parole d'Allah, c'est-à-dire la créature d'Allah, c'est comme on dit le serviteur d'Allah. Quand on dit le serviteur d'Allah, qu'est-ce que ça signifie ? Non ? Excuse-moi, ça n'a rien à voir, c'est Samir, non ? Samir, non. Qu'est-ce que ça veut dire un serviteur d'Allah ? Que c'est Allah qui l'a créé. D'accord ? Que ce serviteur appartient à Allah et que l'on attribue au créateur sa créature. C'est-à-dire, on attribue à Allah sa créature qui est le serviteur. Et il dit, c'est la même chose pour la parole d'Allah. Lorsque l'on dit la parole d'Allah, c'est-à-dire la parole qu'Allah, c'est-à-dire que c'est petit là, il me dérange. C'est-à-dire que la parole est créée et qu'elle appartient à Allah. Comme le serviteur appartient et a été créé par Allah. Et ils disent qu'Allah Azzawajal a créé la parole et l'a mis à disposition soit de Jibril ou soit de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Pour eux donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être, on ne peut pas dédier à Allah azza wa jal ou lui attribuer une parole. Mais celui qui parle, c'est une créature dans laquelle Allah a créé sa parole. Non, que la parole d'Allah, il l'a créée dans cette personne, et cette personne lorsqu'elle parle, c'est une créature d'Allah qui parle et ce n'est pas Allah qui parle. Soit Jibril, comme ils disent, ou soit Muhammad, hada kalamuhum, c'est leur parole, et c'est aussi la parole de Mu'tazila. Donc Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya sont de mèche concernant l'attribut de la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour eux, ils disent qu'Allah ne parle pas, qu'Allah, il est interdit de lui attribuer la parole, car la parole d'Allah est créature. Il y a l'asha'ira, ou l'asha'ira, أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي فقط كلامه في نفسه فقط ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. Et les chaïras sont partis plus loin et ont voulu rassembler deux choses contradictoires. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Allah Azzawajal effectivement est doté de la parole, mais c'est une parole intérieure uniquement. La parole d'Allah Azzawajal est uniquement dans son essence, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azzawajal n'a pas prononcé ni de lettre, ni de son, ni de lettre qui peut être entendu, ni de son qui peut être entendu. Mais c'est une parole à l'intérieur d'Allah qu'a dit Jibril, qu'a prononcé Jibril ou qu'a prononcé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ou pas? C'est compliqué. La Sha'ira sont partis plus loin et ont dit Allah azzawajal parle, mais il parle à l'intérieur de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas des lettres et des sons qui s'entendent et qui sont prononcés par Allah. C'est les paroles d'Allah, c'est-à-dire dans le sens, mais les termes et le son ont été prononcés par Jibril ou par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a créé sa parole à l'intérieur de... Non, c'est-à-dire qu'ils disent qu'effectivement Allah a une parole à l'intérieur de lui-même, mais ceux qui parlent, c'est Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parlent et qui expriment ce qu'il y a dans, à l'intérieur d'Allah Azza wa Jal. Allez, ils sont partis. Et... il faut suivre. Sur quoi ils se basent? Sur quoi ils se basent? Ils disent, les chariots sont connus, ils disent, il ne faut pas faire ressembler Allah à ses créatures. Et il y a des versets qu'ils ne peuvent pas nier, qu'Allah a parlé, etc. Qu'Allah a parlé à Moussa et d'autres. Et ils disent qu'effectivement Allah parle, mais c'est une parole qui est à l'intérieur de lui, qui ne prononce pas. Pourquoi? Quand ils disent, si on dit qu'Allah parle, c'est-à-dire qu'il y a des sons, il y a des sons, il y a des lettres, et le fait de dire qu'Allah Azzawajal prononce des sons et des lettres, cela le fait ressembler à ses créatures. C'est pour ça qu'ils disent, Allah a une parole, mais il ne parle pas. Ce sont Jibril et Muhammad qui parlent et qui expriment ce qu'il y a et qui exprime les paroles intérieures d'Allah Azza wa Jal. C'est clair? فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي القائم بذات الله فمعنى القرآن من عند الله وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. Donc, qu'est-ce que cela a amené à dire? Qu'est-ce que les Asha'iras sont amenés à dire ou ont été amenés à dire concernant le Coran? Ils ont dit, le Coran, c'est-à-dire chez les Asha'iras, c'est la parole d'Allah qu'a prononcé Jibril ou qu'a prononcé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam selon le sens qui était présent dans Allah azza wa jal. فَمَعْنَا الْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Ils disent donc que le sens du Coran vient d'Allah, mais que ces termes viennent de ses créatures. Mais que ces termes viennent de ses créatures. فَهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الْمُتَنَاقِضَاتِ جَعَلُوا الْقُرْآنَ مَخْلُوقًا وَغَيْرَ مَخْلُوقٍ مَخْلُوقٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَالْحُرُوفِ وَغَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَهَذَا بَاطِلٌ وَتَنَاقُضٌ. Autrement dit, Asha'ira ici, ils disent que le Coran est à la fois créé et non créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils considèrent que le sens provient d'Allah, c'est-à-dire que le sens du Coran n'est pas créé, mais que les paroles et les termes du Coran ont été prononcées par Jibril et par Muhammad, autrement dit, que les termes du Coran sont créés, mais le sens n'est pas créé. Ils ont rassemblé entre deux choses qui s'opposent, à savoir, soit tu es le créateur. Si tu n'as pas créé, c'est que tu es une créature. Et eux, ils ont fait du Coran à la fois une créature et une chose créée. Wa ahlus sunnati wal jama'a. Et quant aux gens de la sunna, ils disent, يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه. Le Coran, c'est la parole d'Allah, à la fois les termes et le sens. ليس كلام الله الحروف دون المعاني. La parole d'Allah, ce n'est pas les lettres sans les sens. ولا المعاني دون الحروف. Ni les sens sans les lettres. فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه. Le Coran, c'est la parole d'Allah à la fois dans ses termes et dans son sens. تكلم الله به حقيقة. Allah عز وجل a réellement parlé et a prononcé le Coran. Allah عز وجل, lorsqu'on dit que le Coran c'est la parole d'Allah, c'est-à-dire que ce sont des paroles qu'Allah عز وجل a prononcées. سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. Et c'est une parole que Jibril عليه السلام a entendue d'Allah عز وجل et qu'il a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal a parlé, a prononcé le Coran dans des lettres et des sons qui s'entendent et qui sont compréhensibles et qui ont été entendus par Jibril alayhi sallam et qui ont été transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'Allah parle? Allahu a'lam. Nous n'avons pas à poser cette question car seul Allah Azza wa Jal sait comment il parle. Mais il a parlé, il a prononcé le Coran que l'on dit, Allah Azza wa Jal l'a dit de façon claire et compréhensible. Jibril alayhi salam l'a entendu et l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sami'a Musa kalam Allah wa kallama Allah Musa taklima min ghayri wasita wa lihada khussa Musa bi annahu kalim Allah tilka ar-rusul فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام فموسى اختص من بين الرسل بأنه كلم الله كلمه ربه تكليما من غير واسطة وسمع موسى كلامه. Également Moussa عليه السلام a entendu la parole d'Allah et Allah عز وجل a parlé à Moussa de vive voix sans aucun obstacle. ولهذا, c'est pour cela que Moussa a.s. a la particularité d'avoir été celui à qui Allah azawajal s'est adressé. Comme Allah azawajal a dit dans Sourate al-Baqarah, « Tilka al-Rusul, ainsi sont les prophètes, faddalna ba'dahum ala ba'd. Nous avons fait favoriser ou nous avons favorisé certains d'eux parmi d'autres. Minhum man kallam Allah. Et parmi eux, des prophètes à qui Allah azawajal a parlé. » وهو موسى et c'est Moussa alayhi salam. Moussa a donc la particularité parmi les autres prophètes d'être celui à qui Allah Azza wa Jal a parlé. Allah Azza wa Jal l'a parlé de vive voix sans obstacle. وسمعه موسى كلامه. Et Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on peut dire que Moussa ou Jibril normalement? C'est-à-dire, et là tu demandes comment est-ce qu'Allah a parlé, en gros c'est ça, et ça c'est une question qu'il ne faut pas poser. Comment est-ce qu'Allah a parlé? Allahu a'lam. Comment est-ce que Jibril a entendu, ou qu'est-ce que Jibril a entendu? Jibril a entendu les paroles que l'on récite, il a entendu les paroles qu'il a transmises à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ce sont des lettres et des sons qui ont été entendus de Jibril et de façon claire, des paroles compréhensibles. La preuve, c'est qu'il les a transmis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a transmis à l'ensemble de sa communauté. Donc Allah azza wa jal, lorsque l'on dit Alhamdulillahi rabbil alamin, c'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prononcée. C'est pour ça qu'on dit c'est le livre d'Allah, car Allah azawajal a prononcé ses paroles dans des sons et des lettres clairement évidents. Après, comment est-ce qu'Allah a parlé? Allahu a'lam. Ça, c'est une question qu'on n'a pas à poser, car Allah azawajal est le seul qui détient cette science. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. Également الله عز وجل parlera à ses serviteurs le jour du jugement. Il s'adressera aux gens du paradis, il les saluera et ils répondront à son salut. Et ceci par une parole qu'ils entendront. C'est-à-dire, lorsqu'Allah Azzawajal les saluera, ils entendront le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils verront Allah subhanahu wa ta'ala de leurs propres yeux, comme ils voient la lune lorsqu'elle est pleine. Et là, comme ils voient le soleil en plein milieu de la journée sans être caché par des nuages, Allah Azza wa Jalla leur parlera, les saluera, ils entendront son salut et sa parole et ils répondront à son salut. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ تَكَلَّمْ وَيَتَكَلَّمْ إِذَا شَاءَ بِكَلَامِ الْحَقِيقِي لَفْضُهُ وَمَعْنَاهُ وَأَمَّا كَيْفَ يَتَكَلَّمْ فَهَذَا لَا نَعْلَمُهُ. Donc Allah Azza wa Jalla parle, a parlé, parle et parlera lorsqu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et il parlera d'une parole véridique, réelle, à la fois dans les termes et dans le sens. Et quant à comment est-ce qu'Allah parle, ceci nous ne le savons pas. Seul Allah Azza wa Jal en détient la science. هذا لا يعلمه إلا الله فليس كلامه ككلام المخلوق. La parole d'Allah n'est pas comme la parole de ses créatures. ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق. Nous ne disons pas qu'Allah parle comme parle ses créatures. بل نقول إنه يتكلم كما شاء وكيف يشاء ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته. Nous disons bien au contraire qu'Allah عز وجل parle quand il veut, comme il veut, et ne connaît le comment de sa parole que lui subhanahu wa ta'ala. Et c'est de même pour l'ensemble de ses attributs. Pour l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal, il est le seul à savoir le comment. Quand Allah Azza wa Jal voit, entend, c'est le seul qui sait subhanahu wa ta'ala comment il voit et comment il entend. ثم قال المؤلف من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم اسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى منه من غير واسطة وسمعه جبريل. Puis l'auteur a dit, parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il parle d'une parole qui n'a pas de début. L'a entendu ou l'entend, c'est-à-dire entend sa parole, celui ou les créatures qu'Allah Azza wa Jalla, les créatures qui entendront sa parole seront les créatures qui auront été autorisées par Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah sans obstacle et Jibril alayhi salam a également entendu la parole d'Allah. Non. Sa parole n'a pas de début. Mais c'est l'attribut. L'attribut, non. Non, c'est l'attribut. Il va l'expliquer, Inch'Allah. قوله, puis le Cheikh Al-Fawzan dit قوله بكلام القديم قديم النوع ولا يقال قديم مطلقا هكذا وإنما هو قديم النوع حادث الأحاد يعني من جنس الكلام قديم أما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء سبحانه وتعالى. Donc la parole de Cheikh Fawzan dit, il parle d'une parole qui n'a pas de début. Cheikh Fawzan dit, يعني من جنس الكلام, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire le, comment dire, al-jins. Al-jins, c'est la nature de la parole. يعني Allah Azza wa Jal a toujours été doté de l'attribut de la parole. أما أنواعه, mais quant aux différentes paroles, elles se renouvellent et ont lieu lorsqu'Allah Azza wa Jalla le désire. C'est-à-dire, quant aux paroles en elles-mêmes, elles ont lieu lorsqu'Allah Azza wa Jalla désire parler. Car Allah Azza wa Jalla parle comme il veut, quand il veut, et comme il veut, subhanahu wa ta'ala. يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. L'entendre parmi ces créatures, celles qu'il désire, c'est-à-dire que entendent les créatures, entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les créatures qui ont eu l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Jibril alayhi salam, qui a entendu la parole d'Allah, qui l'a prise et qui l'a transmise à ses prophètes et envoyé subhanahu wa ta'ala, de même que Moussa alayhi salam a entendu la parole d'Allah. هذا لا شك فيه أن موسى سمع كلام ربه من غير واسطة بينه وبين الله ولذلك خص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. Et Moussa عليه السلام, il n'y a aucun doute qu'il a entendu la parole d'Allah عز وجل sans obstacle entre lui et Allah. ولهذا خص, et c'est pour cela que Moussa عليه السلام a cette particularité immense parmi l'ensemble de ses autres prophètes et de ses autres frères parmi les prophètes et envoyés. Et la question qui se pose, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'Allah azza wa jalla s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Non. Lailatul Isra wal Mi'raj. Il faudrait que je fasse une recherche sur ça. Il y a une divergence apparemment des savants sur cela. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement la nuit du destin? C'est une question, Allah, il faudrait que je fasse une recherche. Parce que ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de hadith clair et évident qui stipule qu'Allah azza wa jalla s'est adressé directement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'ascension. Non? Il s'est déjà adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour recommander à la communauté musulmane de faire la salat. Justement, dans le hadith, c'est pas clair qu'Allah azza wa jalla s'est adressé directement. Est-ce qu'il n'y a pas eu un intermédiaire entre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non? Le hadith Qudsi, pareil. Le hadith Qudsi, après, c'est, tout ça, c'est une révélation. Et la révélation, c'est qui l'a porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Jibril alayhi salam. C'est Jibril alayhi salam qui a apporté la révélation. Et je ne dis pas, hein, je m'abstiens sur ce. Je mets cette question en suspens. Apparemment, Cheikh Al-Fawzi considère que non. Parce qu'il a attesté à plusieurs reprises que c'est une particularité qui est propre à Moussa alayhi salam. Il n'a pas cité le prophète sallallahu alayhi salam. Donc on peut comprendre que l'avis de Cheikh Al-Fawzi sur ce sujet. Et que Allah Azza wa Jalla ne s'est pas adressé directement au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Inch'Allah, je ferai une recherche et j'essaierai de donner la réponse la semaine prochaine, bi'idhnillah. كذلك اختص الله جبريل بأنه يسمع كلامه ويسمعه من جبريل أهل السماء إذا سمعوه صعقوا كما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء منه رجفة أو ردعة شديدة فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. Également, les créatures qui ont entendu la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est Jibril alayhi salam qui entendait la parole d'Allah et la transmettait aux habitants des cieux. Et lorsque ces habitants des cieux entendaient la parole, comme cela est rapporté dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, il dit, lorsque Allah Azza wa Jal parlait, lorsque Allah Azza wa Jal parlait de la révélation, les cieux étaient pris d'un tremblement violent. Fa'ida sami'aha ahlu sama', et lorsque les gens de les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges, entendaient cette parole d'Allah Azza wa Jal, ils tombaient évanouis, puis se prosternaient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith de Nawas ibn Sam'an, al-Haqiqa, Cheikh al-Albani a considéré ce hadith comme faible. Dans Dhilal al-Jannah, dans son livre Dhilal al-Jannah, ou dans son tahriq du livre Dhilal al-Jannah, Cheikh al-Albani a rendu faible ce hadith. Mais il y a un autre hadith qui lui est authentique et rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan, que je vais lire. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون ماذا قال ربك فيقولون الحق فيقولون الحق الحق رواه أبو داود وصححه الألباني. Il y a un hadith authentique dans, rapporté dans le Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah parle de la révélation, c'est-à-dire lorsqu'Allah azza wa jalla s'adresse à Jibril alayhi salam, des choses qu'il doit révéler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sami'a ahlu s-sama'i lis-sama'i salsalatun ka jarri s-silsila. Les gens, les habitants des cieux, entendent un bruit immense, un bruit fort, comme à Sansala, c'est le bruit que fait le fer quand il est frappé sur du fer. Quand on frappe du fer sur du fer, il y a un bruit énorme qui sort, et c'est cette même nature de bruit qui est présente dans les cieux lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la révélation à Jibril alayhi salam. Et le prophète sallam a dit que jarri silsila ala safa, comme le fait de traîner une chaîne sur une montagne. Fayas'aqun fala yazaluna kadhalik. Et les anges tombent évanouis en entendant ce bruit immense, et ils restent ainsi évanouis jusqu'à ce que Jibril vienne à eux. Et lorsque Jibril vient à eux, ils se réveillent et disent, qu'a dit ton Seigneur? Et il dira, c'est-à-dire Jibril, il dit Al-Haq, la vérité. Et ils disent la vérité, la vérité. Rawahu Abu Daoud, Sahahahu Al-Albani. C'est un hadith authentique et authentifié par Cheikh Al-Albani, Rahimahullah Ta'ala. On a ktafi bihad al-qadr, subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.